laisser une impression. Le soir, c'est C'est bien, je pense. notre mode archaïque. Libérez-vous de cet archaïsme de 2000 ans d'histoire et venez à Oui, l'histoire du monsieur, 62, canapé nos cuir. amis les Marocains n'ont pas subi la, ils n'ont pas eu la révolution. La révolution des peuples démocratiques, socialistes et populaires. Ouais, je te dis, moi je suis Kabyle, voilà, un petit peu le jeudi, un petit peu de Sidi Ibrahim avec Ah, enfin un une ami. tranche de sanglier. Allah, il s'en Un pâté de sanglier de Tizi Ouzou en ces deux Oh là fins là, d'année, en ces je... deux fins ça de... me rappelle mon enfance Oh, quand cette fin j'allais dans d'année les pour années les fêtes. 80. Ah, dis-moi, tu as préparé les fêtes de fin d'année? Ah, bien sûr, nous avons le sapin. Eh, chez nous en Kabylie, le jeudi, on chasse le sanglier, ma foi. Eh, Oh là tiens. là, moi j'aimerais bien finir cette séance de chasse avec un bon petit Sidi Bel Abbès 1984. Oh, une bonne cuvée. Tu as le goût des bonnes choses. Je sais. Écoutez, je suis quelqu'un de très bien. Je travaille pour Oh, Hanouna. t'étais pas là tout à l'heure. Je Oh, t'as travaille loupé pour le space de Hanouna. l'année, hein, moi je te le Je dis tout de suite. Hein. travaille pour Hanouna, Oh la monsieur. vache. T'as loupé Et la bousseroule qui vient en Guendoura, rien en dessous. Les écoutez. mains moites. Le poil, Et le alors, poil. Oh c'est la là laïcité. Et alors, je les défends. En tant que député, je défends la laïcité. Et ils ont Oui, je droit. comprends. Tu t'aimes bien un peu le mélange des genres, mais là, moi j'en peux plus. Hein. Écoutez, s'il y a des abous nudistes, abous piscine municipale, ou Non, abous, Abou, il voilà. baisse les yeux, il dit, me regarde pas dans les yeux et suis-moi. Monsieur Matawina, je tenais à vous avertir. Moi, je suis représentant de la République. D'accord? Je suis un député. Vous savez ce que ça veut dire? Est tellement bien introduit que Alors, j'ai ne été m'attaquez pas, condamné. hein? J'ai Ne été m'attaquez condamné pas. comme Moi, tout homme politique français qui se doit. j'ai un réseau très puissant, Amézienne, Djellit, et Monsieur Hafed de la mosquée de Paris, de l'islam de France, Islam L'islam de Wolida. France avec ses imams gays, ses certifications Ramadan, le ramadan n'est plus pas que obligatoire, Monsieur Matawina. Le ramadan n'est pas obligatoire ouais, il et s'est grand Monsieur Matawina, avez-vous goûté le cassoulet de Toulouse, halal? Le cassoulet, ça fait péter. Moi, j'aime bien la Le loubia. cassoulet halal avec les petits lardons, Isla Bonita.